m'écoutes-tu? Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Émission moins 4. Et oui, encore 8 heures de musique vous seront proposées dans le cadre de l'émission Chérie, m'écoutes-tu? Qui se terminera, je dois vous le rappeler, le 26 avril prochain. Et oui, ça me fait bien de la peine. Mon nom est Sophie Laforêt et je vais être avec vous aujourd'hui jusqu'à 15 heures pour ceux qui nous écoutent en direct et jusqu'à 19 heures pour ceux qui nous écoutent demain, c'est-à-dire mardi, en rediffusion. Aujourd'hui, je vous propose des pièces qui ponctuent mon quotidien depuis la semaine dernière. Donc, on va entendre, entre autres, une nouvelle formation, en fait, une formation que j'ai découverte cette semaine, The Phenomenal Hand Clap Band. On va entendre également Elie Sapie Isaac, qui fait actuellement la première page du journal Voir Mauricie. On aura également Benjamin Biolay, un artiste français, et un nouvel extrait de la formation Moussette, qui a sorti un album récemment. Et je vais faire également un retour sur deux spectacles que j'ai vus la semaine dernière, soit le duo américain Beach House et la formation britannique DXX. Et on va se lancer tout de suite avec un premier bloc rock franco, durant lequel on va entendre la formation française Montgomery, qui va être suivie par un extrait du nouvel album de Carquois et finalement une pièce du deuxième album de Yann Perrault. Donc, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est toujours bien bon dans les oreilles. Et c'est ainsi que va débuter cette 60e émission de Chérie, m'écoutes-tu? suis creux dans la spirale. Abus de butane, vapeur de kérosène, pyromane jusqu'au fond des veines. Je galope, t'as qu'à t'y appeler à l'âme. La vie n'est pas qu'une salope de Yann Perrot, tiré de son deuxième album Nucléaire qui est paru en 2005. Et en fait, ça doit être sans doute la pièce la plus rock et la plus dynamique de cet album-là, qui est un excellent album. Et en ce texte, qui est en quelque sorte une invitation à voir la vie d'une autre façon. Et pourquoi ne pas écouter son troisième album, Un serpent sous les fleurs, si ce n'est pas déjà fait, un excellent album qui est paru en 2009. Avant ça, dans le bloc, on avait un nouvel extrait du nouvel album de Carquois, la pièce Le Pyromane, tirée de l'album Les Chemins de Verre, qui est paru mardi dernier, le 30 mars, donc. Et à mon avis, Carquois, qui est la meilleure formation rock-pop du Québec, donc qui fait dans une musique alternative, planante, et en fait avec une musique qui est vraiment très étoffée, de beaux arrangements également. Sur cette pièce-là, celle qu'on vient d'entendre, ce que j'apprécie particulièrement, je pense que c'est la coupure assez franche entre les couplets et les refrains, donc ça donne une pièce qui est scindée en deux, comme à deux niveaux, là. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. En fait, puis c'est ça, toujours une mention spéciale pour la plume de Louis-Jean Cormier, qui écrit de très beaux textes, encore une fois, et c'est lui qui assure, je vous dirais, 9 textes et demi sur cet album-là qui contient 12 pièces. Et c'est absolument un album à se procurer en cette année 2010. Un album qui va être un incontournable en 2010 et même au-delà de ça. Je vous dirais que c'est assez cohérent avec ce que Carquois propose habituellement, mais avec des pièces un petit peu plus accrocheuses, donc des refrains qui nous restent en tête. Donc j'ai fait déjà quelques écoutes de l'album et je dois dire que je tombe en amour tout simplement avec ce 4e opus de Carquois. Et au début du bloc, on avait la formation française Montgomery avec la pièce Volcan, qui est tirée de leur deuxième album Stromboli, qui est paru le 12 mai 2009. Et c'est une formation française que je connais depuis peu de temps. Je les ai découverts parce qu'ils étaient au FME l'année dernière, soit le Festival de musique émergente de l'Abitibi-Témiscamingue. Et ils font dans un rock pop à saveur indie. Donc, et c'est une formation qui est composée de 5 musiciens. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir ce qui se passe avec le Festival de musique émergente de l'Abitibi-Témiscamingue, eh bien, ça va avoir lieu cette année pour une 8e édition du 2 au 5 septembre prochain, mais la programmation n'est toujours pas dévoilée. Ça devrait se faire au courant de l'été et vous pouvez consulter le www.fmeat.org. J'imagine que ce sera mis, comme je le mentionnais, un peu plus tard, donc peut-être en juin, disons. Il me semble, si je me fie à l'année passée, on avait su ça en début d'été, il me semble. Donc, c'est ce qui conclut ce bloc rock francophone. Et tel que mentionné en début d'émission, je voulais faire un bref retour sur 2 spectacles que j'ai vus la semaine dernière, soit le spectacle de la formation de Baltimore, qui est enfin un duo composé de Alex Cali et de Victoria Legrand, la formation Beach House, qui était à la Sala Rossa lundi dernier, le 29 mars, avec comme première partie la formation, ou plutôt le projet néo-zélandais Bachelorette. En fait, ce n'est pas une formation. On a tendance à penser que c'est une formation pour une raison que j'ignore. C'est une femme seule, en fait, qui dirige ce projet-là. Donc, si je peux commencer justement par cette première partie, ça a été très intéressant de voir Bachelorette à l'œuvre. Donc, elle a pris le temps de construire chacune des pièces devant nous à l'aide de divers instruments, bien sûr, mais à l'aide de l'échantillonnage. Donc, c'est sûr que le processus était peut-être un peu long pour ceux qui appréciaient pas particulièrement sa musique, mais pour ce qui est de ma part, en fait, moi, j'ai bien apprécié la voir construire ces pièces-là. Des pièces planantes, parfois des pièces qui sont un peu différentes des albums. Donc, soit, je vous dirais, des fois, c'était mieux que sur l'album, puis à d'autres occasions, c'était un peu moins bon que sur l'album. À mon avis. Sinon, je vous dirais, là, j'étais avec un groupe d'amis. Ça a été assez partagé. Il y a des gens qui ont aimé, des gens qui n'ont pas aimé. Puis il y en a qui ont aimé que certaines pièces. Donc, je vous invite à aller entendre ce projet-là, Bachelorette, qui nous vient de la Nouvelle-Zélande. Mais c'est sûr que sur scène, c'était quand même assez limité puisqu'elle est seule. Là, il n'y avait pas vraiment de prestations comme telle sur scène. Elle était vraiment derrière ses instruments, derrière son ordinateur à construire les pièces. Donc, je vous dirais que c'est pas un incontournable, en fait, de voir Bachelorette. On peut très bien l'apprécier seulement sur disque. Et ensuite, donc, la formation Beach House qui s'est emmenée sur la scène, Ça, de ce côté-là, ça a été un spectacle vraiment excellent. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un spectacle durant lequel la musique m'enveloppait à ce point-là. Victoria Legrand, qui a une voix assez grave pour ceux qui connaissent, avec une musique tout à fait planante dans la dream pop, quelque chose d'assez rétro aussi en même temps. Donc, leur premier album était plus psychédélique. Puis là, leur troisième album, Teen Dream, qui ont fait pratiquement en entier, si je ne me trompe pas, est beaucoup plus accessible, beaucoup plus pop, beaucoup plus léger. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette formation, j'aurais tendance à vous dire peut-être d'opter pour le troisième album, Teen Dream, pour vous familiariser avec la formation et ensuite aller entendre leur album éponyme et l'album Devotion, qui sont, à mon avis, également de très bons albums. Donc, une discographie excellente pour cette formation Beach House. Sinon, pour ce qui est du spectacle, une présence tout à fait charismatique et attachante de Victoria Legrand qui a parlé entre les pièces en français et qui était heureuse d'être là, nous l'a dit à plusieurs reprises. Donc, vraiment un excellent spectacle. Je vous invite à voir la formation Beach House. Je suis convaincue j'espère qu'ils vont revenir à Montréal pour cette même tournée-là. J'ai l'impression que les gens ne connaissent pas beaucoup la formation, donc ils ont opté cette fois-ci pour une salle qui était assez petite, la Sala Rossa, sur le boulevard Saint-Laurent, mais j'ai l'impression qu'ils auraient pu remplir une salle beaucoup plus grande. Donc, peut-être qu'ils reviendront. Je vous invite à rester à l'affût. Vous pouvez consulter leur MySpace, myspace.com/ Beach House Music, donc ce projet donc, qui nous vient de Baltimore. Sinon, samedi dernier, le 3 avril, j'étais au Métropolis de Montréal pour voir la formation britannique The XX, qui est accompagnée en première partie de JJ, un projet suédois, et de Nosage Thing, qui est un projet américain. Donc, avant de vous en parler, on va aller entendre le prochain bloc qui est composé justement de ces trois artistes. On va entendre dans l'ordre de passage, donc... comme ce fut le cas le 3 avril, on va entendre en premier Nosage Thing avec justement une reprise The XX. Ensuite, on va entendre JJ et finalement, on va entendre The XX qui, eux, reprennent une pièce de Florence and the Machine. Donc, on en reparle tout de suite après ce bloc et je vous rappelle que vous écoutez l'émission Chéri m'écoute-tu avec Sophie Laforêt. Yeah. to get me, but they don't have a trace of me and my soul riding high It's free, yeah. It's free, yeah. c'était la formation DXX qui reprenait You've Got the Love de Florence and the Machine, deux nouveaux projets britanniques qui ont marqué l'année 2009, deux excellents projets que vous devez absolument découvrir si ce n'est pas déjà fait. Et donc, ce bloc était composé des artistes qui étaient présents au Métropolis samedi dernier, le 3 avril. Donc, je vais simplement vous mentionner ce qui a joué dans ce bloc avant de parler du spectacle tel qu'annoncé avant ce bloc. Avant DXX, nous avions le projet suédois JJ avec la pièce My Hopes and Dreams, tirée de l'album JJ Number 2, qui est donc le deuxième album de ce projet paru en 2009. Le plus récent album de ce projet est JJ Number 3, qui est paru en début d'année 2010. Et au début du bloc, nous avions Nos Âges Things avec une reprise de la pièce Islands de la formation britannique DXX. Et donc, pour revenir au spectacle, je pense que je vais y aller tout d'abord avec les présentations en tant que telles des formations. Vous comprendrez plus tard pourquoi je spécifie ceci en début de petite critique du spectacle. Donc, le spectacle a commencé avec Nos Âges Things, donc qui est un artiste américain de son vrai nom, Jason Chung, qui fait dans l'électro et pop expérimental. Donc, lui est derrière ses consoles, derrière ses ordinateurs, puis il fait donc les mix devant le public. Et donc, ça a été vraiment, en fait, assez difficile d'approche dans le contexte, donc, de la salle qui était comble et tout ça, en fait, tout ça pour vous dire que j'ai apprécié sa musique, mais ça n'a pas été évident, donc, d'apprécier peut-être autant que j'aurais voulu l'artiste et de l'entendre aussi fort que j'aurais voulu. Je pense que c'est une musique à écouter, justement, attentivement, puisque c'est pas nécessairement facile d'approche. Comme vous avez pu entendre sur la relecture qu'on vient d'entendre de la formation DXX, lui, il ajoute beaucoup de, comment je pourrais dire ça, de sons plus, comment je pourrais ça, moins mélodique, donc peut-être qu'ils viennent peut-être plus, en fait, j'ai pas de mots précis, mais ponctuer la pièce à certains moments de sa musique électro et pop, mais c'est loin d'être mélodique sur certaines pièces. Puis je vous dirais que son MySpace est peut-être pas à l'image de ce qu'il peut faire en spectacle, ou du moins ce que j'ai pu entendre samedi dernier. Donc tout ça pour vous dire que c'est un artiste intéressant. Allez entendre son MySpace, mais je pense que c'est peut-être plus facile de l'apprécier sur album avant de l'apprécier en spectacle, d'autant plus qu'il n'y a pas vraiment de prestations sur scène comme telle, donc c'est vraiment par la musique que ça passe. Ensuite de ça, il y avait une deuxième première partie, ou plutôt une deuxième partie, voilà, du spectacle avec la formation JJ, qui est en fait une jeune dame blonde aux cheveux frisés. Je n'ai pas son nom. Je vous dirais que les informations sont assez difficiles à trouver sur Internet et je n'ai pas eu le temps de faire une recherche approfondie sur le sujet. Donc, elle était tout d'abord assise sur un banc avec une guitare pour faire une première pièce beaucoup plus calme, acoustique. Il y avait derrière elle des projections sur un drap blanc qui était un peu chiffonné. Je ne sais pas si c'était voulu, mais en tout cas, c'est ça qui... C'est ça qui était ça. Et donc, sur ce drap-là, étaient projetées des vidéos. Donc, on voyait, entre autres, des paysages, la mer. On la voyait, elle, en train de donner un spectacle antérieur. On voyait aussi des joueurs de foot ou de soccer, si vous préférez. Donc, un match de foot était présenté derrière elle pendant qu'elle chantait. C'était assez particulier. Sinon, encore une fois, une prestation pas très enlevante, donc assez statique et même stagnante sur la scène. La musique était quand même bien. Je veux dire, moi, je connaissais ses albums, JJ Number 2 et JJ Number 3. Donc, elle a fait des pièces de ces deux albums-là, dont la fameuse pièce Let Go, qui est sans doute la pièce la plus facile d'approche sur son dernier album. Sinon, du côté de JJ Number 2, son deuxième album, elle a fait plusieurs pièces. C'est principalement ces pièces-là que j'ai pu apprécier davantage puisque je les connais davantage aussi. Et encore une fois, je vous dirais que ça a été pas marquant dans la soirée. On avait l'impression aussi que pour les premières parties, le son était vraiment pas ajusté pour eux. Je sais que c'est souvent le cas, on ajuste le son pour la première partie ou du moins la formation principale et les premières parties doivent s'adapter justement aux ajustements de son qui ont été faits. Et pour en venir à la formation DXX, qui était finalement le clou de la soirée, je vous dirais que le point fort, ça a sans doute été les éclairages. Quand le spectacle a commencé, il y avait un immense drap blanc devant la scène. Et là, on voyait les ombrages, donc des musiciens, pendant qu'ils jouaient la première pièce. Et ensuite, il y avait vraiment de beaux éclairages tout le long du spectacle. Sinon, je vous dirais encore une fois, un spectacle assez conservateur. Il n'y a pas eu de moments de folie ou d'extase particuliers. Le groupe était assez stable, encore une fois, sur la scène. Donc, je pense qu'il fallait vraiment, en fait, pas avoir vraiment d'attente pour ce spectacle-là, sinon on risquait d'être déçus. C'est sûr que DXX ont seulement un album à leur actif, le premier, l'éponyme. Donc, ils ont fait principalement les pièces de cet album-là. Je crois qu'ils ont fait une pièce que je connaissais pas, comme je vous dis. En fait, ce que je voulais finalement dire à propos de ce spectacle-là, c'est que la foule a été une foule que je n'ai vraiment pas appréciée. J'ai trouvé ça difficile comme spectacle. Quand on paie notre billet 30$, qu'on se déplace, dans mon cas, pour aller à Montréal pour voir le spectacle, et qu'on sent que les gens sont là un peu par, je sais pas, par envie de dire qu'ils étaient là plus qu'autre chose, plus que pour apprécier la musique qui est offerte. Donc, les deux premières parties, les gens ont parlé. Tout le long, on avait de la difficulté à entendre la musique. Donc, il n'y avait vraiment pas de curiosité de la part de l'ensemble de la foule. Et pour DXX, c'est sûr que ça s'est calmé un peu, mais encore là, il y avait constamment des gens qui parlaient. Bon, le Metropolis était affiché complet, donc c'est sûr qu'il y avait beaucoup de gens dans la salle. Mais j'ai déjà vu des spectacles au Metropolis où le public était beaucoup plus respectueux. Donc, entre autres avec la formation Fever Ray, donc qui était au Metropolis à l'automne, où le Metropolis était totalement silencieux. Et bien que la salle était peut-être pas complète, si je me souviens bien, c'était quand même bien plein comme salle. Donc, tout ça pour vous dire que, bon, du côté de ce deuxième spectacle-là de samedi dernier, j'ai été déçue. Et DXX, je pense qu'il va falloir attendre qu'il y ait plus qu'un album pour vraiment avoir l'impression que le spectacle nous surprend, parce que là, ils ont fait simplement les pièces de ce premier album-là qui était assez similaire à ce qu'on peut entendre sur le disque. Donc, le mot de la fin, ce serait d'aller découvrir ces artistes que je trouve très intéressants et très bons, mais sur album. Donc, le spectacle, ce n'est vraiment pas un incontournable dans ce cas-ci. Donc, sur une note plus positive, je veux vous rappeler en fait que l'émission va se terminer le 26 avril prochain, donc il va rester 3 émissions après aujourd'hui. Mais vous pouvez toujours consulter le blog de l'émission qui, lui, sera actif. J'ai ajouté quelques onglets hier au blog, dont notamment un onglet Top 2010 où j'insère, donc en cours d'année, les albums que je juge marquants et excellents pour l'année 2010. L'adresse du blog, le www.sophieaimelamusique.blogspot.com. Et donc, comme je le mentionnais, le blog va survivre à la fin de l'émission. Sur ce, on se quitte le temps d'une courte pause et on va revenir avec un bloc plus léger, plus électro, du côté francophone, au retour de la pause. C'est fou à l'UQTR. R. 89. De retour à l'émission Chérie Micoutu, mon nom est Sophie Laforêt et je voulais simplement vous annoncer le prochain bloc qui sera francophone électro. On va entendre tout d'abord une pièce de la formation Stéréo Total avec une reprise d'un groupe québécois. Je vais vous laisser la chance de l'entendre, vous allez sûrement reconnaître ce hit. Ensuite, on aura la formation Automélodie et finalement 011, tout ça sur les ondes de C'est fou 89.1. Écoute-moi. Je crie dans la nuit. Écoute-moi. Pour les vient d'entendre le trio montréalais 011 avec la pièce Eros et Thanatos, tirée de leur premier album Calcul des intégrales qui est paru en juin 2009. Et donc, cette formation a reçu notamment le prix Mimi du meilleur projet électro en 2006. Et c'est une formation qui est, à mon avis, un peu méconnue, bien que pour ceux qui aiment ce genre, donc l'électro francophone très club, parce que il me semble que c'est le genre de truc qui pourrait jouer dans un club où tout le monde danse. Eh bien, je crois que c'est un peu méconnu, comme je le mentionnais, des gens qui aiment ce genre, bien que sur cet album-là, il y a plusieurs collaborations intéressantes, dont DJ Mini, pour nommer que celle-là. Et l'album a été réalisé par Xavier Paradis également, qu'on a entendu avant avec Automélodie. Mais pour revenir à cette pièce-là de Eros et Thanatos, vous pouvez entendre une relecture de cette pièce faite par Pierre Krub, qui est un des membres du duo électronique montréalais Numéro, sur le www.pop011.bandcamp.com. Donc, le www.pop011.bandcamp.com. Sinon, vous pouvez également visiter leur MySpace, le www.myspace.com/pop011. Et j'ajouterai donc ces liens sur le blog en cours de semaine. Et avant ça, dans le blog, on avait Automélodie, projet justement de Xavier Paradis, avec la pièce Soubrette sous-entendue, tirée du mini-album Automélodie fait ses courses, un mini-album qui est paru en mars 2009. Et avant, dans le blog, vous aurez reconnu un succès de la formation québécoise Soupir, reprise par Stéréo Total, qui est une formation française. Donc, c'était L'arme de métal qu'on retrouve sur l'album Carte postale de Montréal, qui est paru en septembre 2009 de la formation Stéréo Total. Et cette pièce-là, originalement, était de la formation Soupir, qui est une formation québécoise qui a été active seulement un an, en 1983, si on se fie à ce qui est indiqué sur leur Wikipédia. Et donc, c'est une formation dans laquelle chantait Normand Brathwaite. Et vous pouvez retrouver cette pièce sur la compilation Québectronic 80 qui est parue il y a à peu près 5 ans. Donc, vous pourrez retrouver les meilleures pièces donc, des années 80 qui ont été faites au Québec. Là-dessus, il y a notamment Marc Drouin, Nanette Workman aussi et d'autres trucs très intéressants, dont Belle Gazou aussi. Donc, pour ceux qui aiment l'électronique, je vous invite à découvrir cette excellente compilation. Et on va se quitter le temps d'une courte pause et au retour, on revient avec quelque chose d'un peu plus festif, un peu plus folk également. On va entendre un troisième extrait de la formation Edward Sharp and the Magnetic Zeros. Ensuite, on aura Dead Man's Bones, et The Wind Whistles. Donc, on entend ça au retour de la pause dans le cadre de l'émission chez Rémi Coutu. C'est Radio, dans les mots de Hiro Nakamura de la série Heroes, comme qui dit Yata! Vous écoutez, c'est fou. C'est pour moi.

c'était le duo canadien de Wind Whistles, qui est un duo qui nous vient de Vancouver, en Colombie-Britannique, et qui fait dans un style indie pop folk fort sympathique. Je vous dirais, ça vient pas réinventer la musique ou le genre, mais c'est quand même bien comme musique. J'ai agrippé ça par hasard dans la discothèque de C'est Fou parce que j'aimais bien la pochette de l'album qui se nomme Animals Are People Too. Et donc, c'est leur deuxième album qui suit, un album qui est paru en 2007 du nom de Window Sills. Et donc, c'est une formation que je ne connaissais pas. Et il y a également un chouette vidéo de la pièce qu'on a entendue qui a été produit. Et je vais l'ajouter au blog de l'émission prochainement. Donc, pour ceux qui auraient envie d'aller voir, on y voit un panda et une girafe qui jouent de la musique. Donc, ça sera ajouté sur le blog sophieaimelamusique.blogspot.com dans quelques temps. Et pour ceux qui aimaient, entre autres, la formation de Rural Alberta Advantage, je crois que vous allez aimer cet album-là. Donc, un album qui est peut-être un peu plus léger que ce que propose The Rural Alberta Advantage, mais quand même similaire. Avant ça, on avait la formation de Los Angeles Dead Man's Bones avec une pièce tirée de leur premier album qui est paru en octobre 2009. Il s'agit de la pièce My Body's a Zombie for You, et c'est tiré de l'album éponyme, donc qui est paru en octobre 2009. Une formation que je vous conseille si vous aimez notamment Edward Sharp and the Magnetic Zeros qu'on a entendu juste avant dans le bloc, et si vous avez aimé la trame sonore du film Where the Wild Things Are, qui était assurée par Karen O, qui est la chanteuse de Yeah Yeah Yeahs avec The Kids. Donc, c'était un album où on retrouvait beaucoup de chœurs d'enfants à l'arrière. Et c'est la même chose du côté de Dead Man's Bones. Donc, si vous avez apprécié, je vous conseille fortement leur premier et unique album, L'éponyme, qui est paru en octobre 2009. Et avant ça, dans le bloc, on avait l'ensemble de 10 musiciens, Edward Sharp and the Magnetic Zeros, avec un troisième extrait qu'on entend ici à l'émission, l'extrait Jangling, qui est tiré de leur premier album Up From Below, un album que vous allez aimer en entier si vous avez apprécié la pièce qu'on a entendue aujourd'hui et lors des semaines antérieures, donc à l'émission Chérie m'écoute-tu. Et on va se tourner du côté francophone avec d'abord un nouvel extrait de Malajube qui a fait paraître récemment un mini-album du nom de Contrôle. On va aller entendre la pièce titre de cet album-là. Ensuite, on aura un extrait de la formation Moussette tiré de leur nouvel album Le Club Alpin. Et finalement, un extrait de Tricot Machine de leur album La Prochaine Étape, le deuxième album de ce duo avec la pièce J'ai des allumettes. Et je vous dis à l'avance, en fait, de porter une attention particulière aux paroles de cette chanson-là que j'apprécie vraiment énormément. Donc, on entend ça tout de suite dans le cadre de l'émission. Chérie, m'écoutes-tu? Yeah. C'était Trico Machine avec la pièce « J'ai des allumettes » tirée de leur deuxième album « La prochaine étape » qui est paru tout récemment. Et une pièce qui ressort finalement de cet album-là, une pièce un peu plus sentimentale, un peu plus émotive avec des arrangements encore une fois qui m'impressionnent. C'est difficile pour moi de vous donner encore mon impression de cet album-là que j'écoute en boucle. On dirait que c'est difficile pour moi de statuer vraiment, de dire est-ce que c'est meilleur que leur premier album ou quoi que ce soit. Je vous dirais qu'il est plus homogène, cet album-là, moins de coups de cœur prononcés, contrairement à ce que j'éprouvais pour le premier album. Mais je vous dirais que l'ensemble de cet album-là, la deuxième étape, s'écoute très, très bien. Et sans doute, une des phrases les plus belles de l'album se retrouve dans cette chanson-là. Je ne sais pas pourquoi, je trouve ça très beau. L'image, « J'ai mis du sang-froid en bouteille pour les jours comme aujourd'hui ». Donc, si on pouvait faire ça dans la vie, ça irait sûrement très bien. Avant ça, on avait la formation montréalaise Moussette avec un extrait de leur nouvel album, la pièce « Les feuilles vertes » de leur album « Le Club Alpin » qui est paru en 2010. C'est le troisième album de la formation et cette formation-là regroupe, ça je ne savais pas ça, des membres de la formation avec podcast et de la formation Le Nom. Et sur cet album-là, il y a de très belles mélodies. Je vous dirais que c'est un album qui m'a impressionnée parce que je n'aimais pas nécessairement la formation Moussette. Mais sur cet album-là, c'est totalement différent, donc c'est un peu plus léger. La voix aussi du chanteur vient un peu moins méritée que sur les albums précédents. Et vous pouvez télécharger les 10 pièces de l'album au coût de 4 $ sur le http://moussette.bandcamp.com. Avant ça, dans le bloc, on avait Malajube avec un extrait de leur mini-album Contrôle. Il s'agit de la pièce titre, donc du même nom. Et ce mini-album-là contient 4 pièces et il est paru en décembre 2009 et également disponible directement sur Internet au coût de 2 $. Et c'est la première fois que j'arrive à associer le mot « folk » à Malajube, même si c'est seulement les 30 dernières secondes de la pièce qui évoque ce style-là, parce que bon, on s'entend que la pièce est beaucoup plus rock psychédélique qu'autre chose, comme le groupe en général. Et donc, un très bon mini-album qui est à la fois léger, un peu moins rock, plus planant, donc avec encore une fois des mélodies intéressantes qui se développent tout au long des pièces qui sont quand même longues. Il y a 2 pièces d'une durée approximative de 6 minutes et 2 autres d'une durée d'à peu près 2 minutes. Donc, un beau projet connexe pour les amateurs de Malajube. On va se quitter le temps d'une courte pause et au retour, on revient avec quelque chose qui bouge un peu plus, avec quelque chose d'électro-funk et bien sûr avec nos amis Radio-Radio. Comment passer à côté de cet album-là que j'aime, bien malgré moi, qui n'est pas une adepte de musique hip-hop habituellement. Donc, on entend la pause et au retour, on entend ce bloc. C'est fou. Dans vos oreilles, dans mon oreille, 89.1 sur le net au cfou.ca.

suis un enfant spécial. On est des enfants spéciaux. Makimoshi, Makimoshi, toi t'es un enfant spécial. C'était la formation Radio Radio avec la pièce Enfant spécial tirée de leur deuxième album Belmundo Regal qui est paru récemment en 2010. Une formation originaire du Nouveau-Brunswick maintenant établie à Montréal. Et comme je le mentionne à chaque fois que je passe du Radio Radio, je ne suis pas une adepte de hip-hop habituellement, mais je ne sais pas pourquoi cette formation-là a réussi à m'accrocher. Donc avec leur musique festive et pas très sérieuse, on s'entend. Donc, avant ça, on avait la formation de New York de Phenomenal Hand Clap Band qui fait dans un style funk, disco, new wave. Et c'est une formation qui nous vient de New York et qui offre un album que moi, je trouve décousu et très hétérogène. Donc, il y a des pièces beaucoup plus électro, des pièces beaucoup plus calmes. Et la pièce qu'on a entendue a une petite sonorité qui me rappelle les années 70, je vous dirais, avec un petit disco sifflé. En tout cas, je pourrais pas exactement mettre le style exact là-dessus, mais je suis pas certaine que ça rentre nécessairement dans le disco et ou dans l'électro. Donc, peut-être une pièce plus funk à ce moment-là. Donc, cette formation-là était à Montréal samedi après le spectacle de la formation britannique DXX. Donc, ils accompagnaient Nos Age Things au bar Le Belmont sur Saint-Laurent. Avant ça, dans le bloc, on avait le duo montréalais X's and O's avec un album qui est paru en 2008, l'album Bedroom Madness. On a entendu la pièce Not Arriving et c'est une formation que je connaissais de nom, mais que je ne connaissais pas de son. Et je me suis attardée sur ce projet-là la semaine dernière et j'ai bien aimé donc ce deuxième album qui est vraiment électro et qui s'écoute très, très bien. Donc, si vous avez apprécié la pièce qu'on a entendue, je vous dirais que c'est peut-être pas la pièce la plus, la plus notable sur cet album-là. Elle est un peu plus tranquille que les autres pièces. Donc, vous voyez le genre. Malgré tout, c'était quand même très dynamique. Et donc, ce duo électropop de Montréal est composé de Heidi Donnelly et Edmond Lem. Donc, un projet fort intéressant. Et je vous invite à visiter leur site Internet le www.xsnose.ca pour télécharger gratuitement deux pièces de cet album que je trouve fabuleux. C'est ce qui complète ce bloc et on va se tourner cette fois-ci du côté anglophone et francophone puisque le prochain bloc sera un mélange de ces deux langues et on va aller entendre Elisapi Isaac qui fait actuellement la première page du Voir Mauricie qui est une artiste qu'on connaît bien parce que en fait elle a fait c'est elle qui était dans le duo Taïma qui était une musique donc inoue qui nous a été offert il y a quelques années et qui ont remporté divers prix. Cette fois-ci, elle revient avec un album solo, l'album There Will Be Stars, un album qui est très intéressant. La pièce qu'on va entendre se nomme Out of Desperation, une pièce qui bouge beaucoup, sûrement la pièce qui bouge le plus de cet album-là. Donc, on entend ça tout de suite dans le cadre de l'émission chez Rémi Coutu sur C'est fou 89.1. Yeah.

C'était le duo de frères et sœurs Angus and Julia Stone, un duo qui nous vient de Sydney en Australie avec la pièce Hold On qui est tirée de leur plus récent album, le deuxième, qui se nomme Down the Way, qui est paru mardi dernier. J'ai eu la chance de l'entendre cette fin de semaine et je vous dirais que là, j'en ai fait que de simples écoutes, donc c'est difficile pour moi de vous donner une impression tout à fait juste sur cet album-là, mais décidément la pièce Hold On est sans doute la pièce qui a attiré le plus mon attention, donc une pièce prenante que je trouve sensible, j'aime beaucoup les paroles également, mais pour ce qui est de l'album en entier, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de pièces qui sont à saveur pop que sur le premier album qui se nommait A Book Like This, que j'avais aimé follement. Donc, pour ceux qui aiment le duo, il faut absolument entendre cet album-là. Pour ceux qui ne connaissent pas le duo, je voudrais peut-être de commencer avec leur premier album qui était beaucoup plus folk que le dernier. Je voudrais que sur le dernier, il y a peut-être 3 ou 4 pièces qui sont de la même saveur que sur le premier album, mais vraiment un album qui semble être excellent. Je vais faire d'autres écoutes et probablement que la semaine prochaine, je vous présenterai un deuxième extrait de cet album-là. Entre-temps, vous pouvez aller entendre un extrait vidéo de leur plus récent album, donc l'album Down the Way. Vous pouvez entendre la pièce qui m'échappe, mais en fait, c'est And the Boys. Donc, And the Boys, un vidéo qui est très chouette. Donc, vous pouvez aller voir sur YouTube sans problème. Avant ça, on avait Benjamin Biolay, qui est un auteur-compositeur-interprète français actif depuis 1984 avec la pièce 15 août, qui est tirée de son dernier album La Superbe. Et je vous avoue que je ne connais pas beaucoup cet artiste-là, bien que son nom soit bien répandu. Donc, j'ai fait quelques écoutes également en fin de semaine de son plus récent album, le 5e album de Benjamin Biolay qui se nomme La Superbe, parce qu'il y avait vraiment de bonnes critiques qui entouraient la sortie de cet album-là. Ça a été vraiment une belle écoute, mais je ne suis pas certaine d'adopter complètement le genre, mais tout de même, c'est très intéressant. Et au début du bloc, on avait Élie Sapi Isaac, qui est originaire du village inuit de Saluit, donc qui est pratiquement sur la pointe nord du Québec, avec une pièce de son premier album solo, l'album There Will Be Stars, avec la pièce Out of Desperation, et elle était à la Maison de la culture de Trois-Rivières vendredi dernier, le 2 avril, et j'ai bien hâte d'entendre des critiques peut-être de personnes qui sont allées voir le spectacle. J'aimerais bien savoir comment c'était, parce que j'ai bien aimé l'écoute de cet album-là et j'aimerais bien la voir en prestation. En lisant d'autres critiques, on disait qu'elle avait un charisme fou et que c'était vraiment très sympathique comme prestation, donc Élie Sapi Isaac. L'émission va tirer à sa fin, on a déjà dépassé 15 heures de quelques minutes, puisque l'émission Assemblage requis va être de retour demain. Et je vous propose une dernière pièce avant qu'on se quitte. Et c'est ce qui va terminer cette 60e émission de Chérie M'écoute-tu. Et on va laisser place encore à 3 émissions avant que Chérie M'écoute-tu tire sa révérence, donc le 26 avril. On va aller entendre un projet canadien, ou plutôt AC Newman, qui est un chanteur canadien, qui est également dans la formation de Black Keys. Donc, écoutez, The New Pornographer, pardon, qui a contribué à cette formation. Je me suis totalement mélangée. Et donc, Carl Newman, qui se nomme AC Newman sur ce projet-là, on va l'entendre la pièce de Heartbreak Rides, tirée d'un album qui se nomme Get Guilty, qui est paru il y a quelques temps déjà, chez son plus récent album qui est paru en 2009, donc en tout début d'année. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est paru en 2008, mais non, c'est en janvier 2009 sur l'étiquette Matador Records. Donc on entend ça tout de suite. Et c'est Sophie Laforêt qui vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous invite à consulter le blog pour avoir les liens qui ont été nommés durant l'émission. Donc sophieaimelamusique.blogspot.com et on se retrouve lundi prochain. So we ride the heartbreak slides. Oh shit, let the modern sunset to your window. Gestured with a plate-chain hand, she said, let's go, LA, she cried. the hungry rides for free. Yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho. Yeah.